suis de cela, les jeux du monde et je ne saurais mieux le dire, je suis de cela, j'ai perdu du monde et... Hey. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas un rap. C'est pas un rap cette chanson. C'est quoi? Une chanson classique, écoutez. Ouais. Là, vous chantez la version qui a été enregistrée en sans passeport, en partant vers la mort.